Dans le bloc sa main, ouais, pété comme Bob Marley. J't'allume ta main, et j'remonte sur la Harley. Pas la peine de parler. J'suis dans le bloc sa main, ouais, pété comme Bob Marley. J'suis dans le bloc sa main, et j'arrête pas de compter. J't'allume ta main, et j'remonte sur le GP. Tu bandes, tu côtoies ceux qui la ramènent, tu côtoies ceux qui la vendent. Ta pète millionnaire peut faire la guerre à 10 bonhommes par terre. Bang, bang, bang, bang. HLM locataire, on mourra propriétaire. Malhonnête braqueur narco, Marbella cash Monaco. On a tellement rêvé de la vie de rêve qu'on se remémore nos souvenirs sur un bateau. Ma main dans mon palme, ma tête sous les palmiers. T'étais où, j'avais pas un, toi tu faisais le pain, je me suis vite écarté. Sur le rinté à midi, ça se vend comme des apimiles. J'avoue à l'infini. Pas de tequero, que des schlags d'héros. T'as commencé là où tu finis à zéro. Ouais, c'est la merde. J'suis dans le bloc sa mère, ouais, pété comme Bob Marley. J't'allume ta mère, et j'remonte sur la Harley. Pas la peine de parler. J'suis dans le bloc sa mère, ouais, pété comme Bob Marley. J'suis dans le bloc sa mère, et j'arrête pas de compter. J't'allume ta mère, et j'remonte sur le GP. J'ai trouvé le hall, inspiré de la haine. Y'a ceux qui découpent et y'a ceux qui rebèment. Ils y croyaient, hop, on a changé la donne. Y'a ceux qui crient et y'a ceux qui dégainent. Tu vas pas nous la mettre, on fait les gouines. Les stupéfiants, les motards, la routine. Tu vas pas nous la mettre, on fait les gouines. Les stupéfiants, les motards, la routine. Y'a pas d'I love you, mais y'a de l'olivette. Dis-moi combien tu mets pour me faire fumer. Toujours la semi, on a le fuego. Je joue au tennis, j'suis dans le telo. Négro incorrigible, j'ai pénétré illégalement dans son domicile. On a baigné dans le sable, on joue pas, on t'enlève la Ivan à coup de fil. On n'est pas des racailles, mais viens pas réveiller le démon. Tout est coupé au gramme, tout est noté dans les deux cons. Buteur attaquant, ramène la recette au gérant. Dès l'ouverture, y'a les giros. À bas la haisse, on a juré. Ah ouais, ma gueule, on a juré. Vite ma mère. J'suis dans le bloc sa mère, ouais, pété comme Bob Marley. J't'allume ta mère, et j'remonte sur la Harley. Pas la peine de parler. J'suis dans le bloc sa mère, ouais, pété comme Bob Marley. J'suis dans le bloc sa mère, et j'arrête pas de compter. J't'allume ta mère, et j'remonte sur le GP. Pas la peine de parler. J't'allume ta mère, et j'remonte sur le GP. Salope.